Chapitre 4e, les ducs. En croirais-je mes yeux? Monsieur Platon? S'écria Saint-Georges. Quoi, monsieur Platon, c'est vous qui m'avez écrit? Et le chevalier montrait au gérant de la Rose la lettre sans signature qu'il avait reçue quelques jours auparavant à sa toilette, et qui était, on l'a vu, fermée par le plus économique de tous les cachets, une boule de mie de pain. Moi-même, mon jeune ami, c'est-à-dire monsieur le chevalier, j'ai voulu vous laisser le plaisir de la surprise, et puis j'avais peur que vous ne gardiez rancune à Platon. Vierge sainte, que je vous retrouve grand et bien fait. Vous voilà logé comme un marquis. Et toi, mon cher Platon, tu iras bientôt nu comme un nègre. Vois plutôt, ton habit de taffetas rayé tombe en loques, et ta culotte de velours chocolat montre la corde. Hélas, mon cher élève, reprit Platon, enhardi par la commisération que Saint-Georges lui accordait, nos rôles sont intervertis. Je vois encore nouant la serviette au menton de M. Popo, nettoyant mes fusils de chasse et m'éventant au retour de mes inspections. Moi, je te vois, Platon, me condamnant à partir pour ton domaine, après tout ce qui m'était arrivé à la Rose, m'empilant, moi, centième, dans ton horrible charrette. Je ne répondrai pas que la balle qui a sifflé aux oreilles de ma mule ne fut pas de toi, puisqu'elle m'a manqué. Monsieur le chevalier, je n'ai jamais été cannibale. C'est la seule conversation que je puisse avoir avec vous à pareille distance. Merci. Le ciel m'est témoin, Saint-Georges, c'est-à-dire, monsieur le chevalier, que je vous ai toujours distingué du peuple. J'ai favorisé vos talents. Comme dit monsieur Rousseau, je n'ai point arrêté la culture de cet arbre dont les... Ici, Joseph Platon entama une phrase de l'Émile dans laquelle il se perdit. Comme te voilà fait, mon pauvre Platon. Il t'est donc arrivé bien des malheurs. Je le crois. D'abord ma caféière pour laquelle M. de Lassis m'avait fait de si rigoureuses conditions que j'en suis parti. Après, comment? L'incendie de la partie du sud à la Rose, vous savez bien, monsieur le chevalier, c'était là que couchait madame la marquise. Je n'ai appris cela qu'à Bordeaux, l'incendie et le meurtre de Finette. Le coupable est-il vraiment cet Espagnol qui s'est échappé de la prison de Saint-Marc? Mais on le dit, du moins, monsieur le chevalier. Allez, si le scélérat nous a échappé, ça n'a pas été faute de recherche. Nous avons assez couru le pays, moi et monsieur Printemps, que la marquise a licencié aussi. Pourquoi? Parce que monsieur le prince de Rouen lui avait proposé un voyage en Angleterre. La Rose l'ennuyait, monsieur le chevalier. La Rose, un paradis terrestre, un lieu de délices. Elle voulait voir les buveurs de bière et les boxeurs. Quel goût dépravé chez une femme noble. Pouah! C'était pitié que de voir notre départ à son bon monsieur Printemps et à moi. Nous nous tenions serrés l'un contre l'autre, accolés comme la fourchette et le couteau. Monsieur Printemps avait bien souffert du coup de cette mort de mademoiselle Finette. Finette, qui vous aimait tant, monsieur le chevalier? Les sanglots de Platon l'empêchèrent de continuer. Il soupira quelques secondes et reprit. Vous vous souvenez sans doute que la mort violente de mon perroquet m'avait fait prendre en horreur cette marquise. Elle en a fait de belles depuis ce temps-là. Est-elle remariée? Remariée, elle? Ah ben oui. Elle est trop heureuse de jouer son rôle de veuve. Ses amants l'ont affichée. Elle est trop habile pour mécontenter publiquement monsieur de Boulogne. Elle a des amants, mais elle les cache. Ils entrent par plusieurs portes. Ça les regarde, voilà tout. Les marquises en cela sont plus favorisées que les blanchisseuses. Rosette n'avait qu'une porte. Qu'a-t-elle donc fait? Ce qu'elle a fait, monsieur le chevalier? Un morne noir d'abomination. D'abord, elle a fait couper la belle avenue de palmistes qui bordait la Rose, sous le prétexte qu'elle attirait les insectes. Elle a refusé à monsieur de Lassis de retourner avec lui en France, et s'est fait croire malade pendant qu'elle complotait l'horrible trame de son voyage britannique. Pour comble d'infamie, elle m'a dit un jour qu'elle me trouvait trop âgée, qu'elle avait envie d'un gérant anglais. Un gérant anglais, monsieur. Vous voyez, c'est là jurer la perte de la Rose. Transporté de fureur, je me suis embarqué dans la compagnie de monsieur Printemps, qui lui avait déjà rendu son épée de maître d'hôtel en lui disant « Elle vous a servi fidèlement, madame, ainsi que le maréchal de Saxe. Dieu veuille que vous ne preniez pas celle d'un anglais. Tu n'as pas oublié, j'espère, ta collection de naturalistes. Ma collection, monsieur le chevalier, rôtie, abîmée, éteinte dans ce diable d'incendie. Moi qui comptais si bien m'établir avec mes coquillages et mes oiseaux-mouches. Arrivé ici, je m'en suis allé droit à l'hôtel de monsieur le contrôleur. Le Suisse m'a refusé. Madame de Langeais avait déjà sans doute prévenu monsieur de Boulogne contre son fidèle Platon. J'ai écrit, Mes lettres sont demeurées sans réponse. Faut-il vous le dire enfin? Je me suis fait, moi, domestique de louage. Moi, nouveau débarqué, je me suis mis à la piste des arrivants. Ce pauvre Platon. Mais ce printemps était mort de douleur autant que de regret dans la traversée. Il avait été volé, ainsi que moi, de ses épargnes par les métis qui transportèrent nos bagages. Nous ne nous aperçûmes de ce vol qu'après avoir doublé la pointe du cap. Alors seulement je me recommandai au ciel et je me dis, « Platon, Dieu te punit d'avoir tant usé du fouet sur ces pauvres nègres, et je me fis domestique de louage. » Qui t'a appris mon adresse? Tout le monde. Dans les cafés, au spectacle, j'entendais parler de vous. C'était un bourdonnement. Celui-ci vous avait vu tirer et percer en l'air une pièce de 6 livres. Cet autre nageait tout vêtu. Un troisième s'écriait « J'ai fait des armes avec lui ». Aucun ne disait « Je l'ai touché ». Eh bien, repris-je alors avec un orgueil qui me grandit de 6 pieds, je l'ai touché à Saint-Domingue, moi qui vous parle. Il est vrai que ce n'était pas avec un fleuret. J'irai le voir, il m'accueillera. Je consens de grand cœur à le servir, et pourvu que j'aie à moi mon petit dimanche pour aller voir mes anciens amis de Bercy, qui me donneront peut-être des nouvelles de Rosette. Ici, M. Platon retomba dans un de ses attendrissements conjugaux. Il tira même son mouchoir. Ce mouchoir avait l'air d'un drapeau percé de balles tant il était troué et rapiécé, noir de tabac. « Monsieur le chevalier, s'écria Platon en embrassant les mains de Saint-Georges, décidez de mon sort, je suis à vous. Un des amis de votre valet m'a dit qu'il était parti, que vous l'aviez même chassé à grands coups de pied, parce qu'il vous manquait de l'or. Prenez-moi à votre service, vous me connaissez, je suis honnête. » « Il est vrai que tu n'es plus intendant. » « Mais, » ajouta Saint-Georges, touché de l'air humilié de son ancien maître. « Je ne veux pas que tu endosses la livrée de M. Jasmin. Ouvre cette armoire. Tu y trouveras une robe d'éduc. »« Qu'est-ce que cela? Une robe, éduc, eunuque ?» fit avec effroi Joseph Platon. « Déguiser mon sexe sous une robe? Allons, monsieur, c'est bon pour le chevalier Déon. » À cette réponse, qui servait une des antipathies secrètes de Saint-Georges, il sourit. On était toujours sûr de le prendre par l'amour-propre. « La livrée des ducs, » reprit-il en étalant lui-même sous les yeux de Joseph Platon, ébloui, une robe à la tartare, bordée d'or et de fourrure, dont son tailleur lui avait fait sans doute présent. « La livrée des ducs t'ennoblit au lieu de te dégrader. »« Un éduc monte à cheval, » digne Platon, « et j'ai à mes ordres tous les chevaux du palais royal. »« Tu seras fort bien sous ce costume, avec ta barbe grisonnante, que je t'engage à ne pas couper pour les faits, et que M. Bruno, mon perruquier, te laissera croître en pointe tartaresque. Sais-tu la langue tartare? Ça ne ferait pas de mal. Vous plairait-il, monsieur le chevalier, de me dire ce que je dois faire sous cette tunique? Vont-ils se moquer de moi à Bercy, mes anciens amis de Gabelle? Un éduc, Platon, est un être inviolable. Si l'on veut lui donner des coups, il a le droit de les recevoir, mais aussi celui de s'en plaindre à tous les ambassadeurs asiatiques. C'est-à-dire que je ne fais plus partie du corps respectable des bourgeois parisiens? Encore une fois, quels sont mes devoirs? Ceux d'un éduc fidèle, d'un homme posé, qui porte des bottes jaunes et un bonnet fourré, digne de celui du roi de Mogol. Mais enfin, tu m'accompagneras. C'est tout, tu porteras mon violon et mes fleurets. La cuisine? Tu n'en feras pas, j'ai quelqu'un. Et pour les dames? Tu leur porteras mes lettres en éduc, c'est la mode. Monsieur le chevalier, « je me déclare votre féal et respectueux éduc, » dit Platon en mettant un genou en terre. « Ah, j'oubliais, ce sabre peut-il me servir en cas d'attaque ?»« Je ne pense pas, car la lame est de bois. »« C'est une ordonnance de Monsieur Lenoir. »« Oui, depuis que l'éduc du comte d'Argenteau a passé son sabre à Longchamp, à travers le corps d'un arlequin. »« En cas d'attaque, tu peux t'en reposer sur mon épée. »« Comme sur Dieu même, monsieur le chevalier, il me tarde de vous accompagner à cheval. » Vous y êtes si beau. Allez, c'est bien vrai le proverbe qui dit « Montez comme un Saint-Georges ». L'effusion de Joseph Platon donna au chevalier un quart d'heure de gaieté bouffonne dont il augura bien pour l'avenir. Affublé de cette grande robe qui le faisait ressembler à feu Mahomet, l'éduc de nouvelle date porta ses pas vers l'antichambre où il ne trouva aucun domestique. Cette singularité l'ayant frappé, il se dirigeait vers la petite porte vitrée d'un des cabinets attenant à cette pièce et se disposait même à en tourner la clé quand il vit Saint-Georges marcher doucement à lui en élevant son doigt à ses lèvres. « Elle dort, » dit-il à Joseph Platon. Il le ramena, très étonné, dans la cuisine, près d'un énorme quartier de chevreuil, vis-à-vis duquel il le laissa.